juste dans ses mots. Plein des soucis, plein des douleurs, loin de l'amour. Je ne savais pas qu'on m'a aimé. Qui m'a appris qu'on m'a souri. Même dans mes souffrances, t'es toujours là. Qui m'a dit prends courage, courage. À tes côtés, tu es mon tout, tu es plus que la suffisance. Tout ce que j'ai trouvé de précieux dans ma vie, c'est reste à tes côtés. Tu es mon tout, tu es plus que la suffisance. Tu es mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Jéhovah Rapha, ton nom est merveilleux. Tu m'es guéri dans mes maladies. Emmanuel, ton nom est merveilleux. Tu es avec moi, mais m'entendez mes douleurs. Tu m'as aimé, tu m'as guéri. Tu m'as choisi, c'est pourquoi moi je chante. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Oh, et bénisseur, ton nom est merveilleux. Car jusqu'ici, tu m'as secouru. C'est pourquoi moi j'ai décidé d'appartenir. Ma raison de vivre, c'est toi. Tout ce que j'ai trouvé de précieux dans ma vie, c'est reste à tes côtés. Tu es mon tout, tu es plus que la suffisance. Chante avec moi ces cantiques. J'aimerais, oui, tu veux faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. L'élévation que l'on ne pourra me donner. Tu as levé la honte, tu as levé la honte. Tu as levé la honte de ceux qui sont dans la détresse. Qui sont dans la détresse. Tu es celui-là, de nos douleurs. De nos douleurs. Quand je suis opprimé, tu me rassures. L'élévation que l'on ne pourra me donner. Tout est ma joie. Oh, oh, oh. Seigneur Jésus, tu es ma joie. Je chanterai. Je te garde. Tu es mon tout. Tu es mon tout. En toi j'ai tout. Tu es mon tout. Je louerai ton nom. You are my Lord. You are my Lord. You are. You are. Jesus. You are. My Seigneur. You are my Lord. I will sing your name. Unaweza kuwa katika matatizo makubwa. Imba pamoja nami wimbo. Kwa sababu Mungu atakutendea muujiza. Haleluya. Sifa zako na imba. Unaniokoa, unavyonipenda. Unanipenda. Wanipenda. Sifa zako na imba. Tu peux être dans la détresse. Tu as levé la honte. Tu es dans l'oppression. Mais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Chante avec moi. Notre Dieu nous rassure, l'élévation. Tu as levé la honte. Oh, oh, oh. De ceux qui sont dans la détresse. Jésus-Christ est celui qui change le flair à l'allégresse. Ni yeye atoe mtu chini kwenye mavumbi na kumweka juu kwa dakika. Hata wapo katika shida, Yesu ni yule atuhakikishia uzima mpaka milele. Yaani kufa hatutakufa, hadi milele tutaishi. Hallelujah.